bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Est-ce que c'est pas une belle semaine? Moi, je suis tout heureux cette semaine, et ce, pour diverses raisons. La première, il fait beau comme ça se peut pas pour un mois de novembre. Le mercure est à 20 degrés chez moi. On est quand même un 8 novembre et il fait beau comme ça se peut pas. Autre belle raison qui ont favorisé à mettre un sourire sur mon visage est évidemment le résultat des élections américaines. Même si Donald Trump ne veut pas l'admettre, il a bel et bien perdu. Donc, espérons juste ne plus trop l'entendre et ne plus trop entendre parler de lui. Moi, j'ai bien aimé quand les postes de nouvelles ont coupé son discours. Il dit tellement de mentries qu'ils sont rendus obligés de le couper. C'est pathétique. Moi, j'ai profité du beau temps de cette semaine pour retourner faire du kayak. Tous les plantes d'eau sont évidemment mortes ou sur le bord de mourir. Les pontéderies, les nénuphars et maintenant les joncs, tout est jauni ou tout simplement disparu. Donc, malgré le beau temps, c'est évident que les temps froids arrivent bel et bien. Mais, conséquence du beau temps des derniers jours, ma plantation d'ail a germé hors de terre. On sème habituellement l'ail à l'automne pour qu'il ait le temps de se faire des racines et soit prêt au printemps à sortir de terre. Mais là, j'en ai qui sont déjà sortis de terre à cause du beau temps qui perdure. Donc, j'ai été obligé de rajouter de la terre sur mon ail pour tout réenterrer. Voilà! C'est pas mal ça pour le début de notre Lobster 83.0. Un Lobster sous le signe du bonheur où il ne tient qu'à vous de trouver vos propres raisons de voir la vie en rose. Yeah. Parlant toujours de belle météo, je trouvais qu'il faisait beau et chaud chez moi cette semaine. Mais si on compare avec l'exoplanète K2-141b, on fait un petit peu pitié. Pourquoi je vous parle de cette planète? C'est que j'ai lu un article qui se nomme « Météo extrême sur une exoplanète de lave ». On est en train de quitter l'orbite. C'est une descente vertigineuse, mon vieux. J'appelle NASA. Colonel Dan McCready, commandant de la première sonde de gravitation. Forcé de quitter vitesse orbitale afin d'éviter collision avec planétoïdes de grosse taille attirés dans l'orbite. L'effet d'attraction s'exerce sur nous aussi. Nous devons à tout prix retrouver la vitesse orbitale. Nous gâchons notre combustible. Ce problème sera résolu en son temps. Donc, il se passe quoi sur cette exoplanète? Vent supersonique et pluie de roches vaporisées. Voilà les conditions météorologiques inhospitalières qui vous attendent si vous mettez les pieds sur K2-141b. L'astrophysicien Nicolas Cowen, le professeur au département des sciences de la Terre et des planètes de l'Université McGill, et ses collègues canadiens et indiens ont utilisé des simulations informatiques pour prédire les conditions sur cette exoplanète, qui est de la taille de la Terre, dont la surface, l'océan et l'atmosphère sont composés du même ingrédient, qui est des roches. Et c'est grâce aux télescopes de nouvelle génération que ces chercheurs arrivent à prédire la météo. Donc, on parle de quoi? Sur la planète K2-141b, des vents supersoniques souffleraient jusqu'à plus de 5000 km/h et il existerait un océan de magma d'une profondeur de 100 km. De plus, les deux tiers de l'exoplanète sont constamment éclairés par la lumière du jour, ont constaté les scientifiques. La proximité de l'orbite de cette exoplanète autour de son étoile la maintient dans la même position gravitationnelle, c'est-à-dire que le même côté fait constamment face à son Soleil. Pour cette raison, la température de son côté obscur est glaciale et descend sous la barre des moins 200 degrés Celsius, alors que du côté exposé à son étoile, les températures atteignent les 3000 degrés Celsius, une chaleur non seulement suffisante pour faire fondre les roches, mais également pour les vaporiser, ce qui crée une atmosphère mince à certains endroits. Bon, vous vous en doutez sûrement maintenant, à des températures de 3000 degrés du côté de la face éclairée, les chercheurs nous disent aussi, dans l'étude, que même la crème solaire avec un FPS de 100 ne vous protégera pas suffisamment. Vous risquez donc de griller et d'avoir un teint plutôt noirci en quelques secondes. Bon, quoi d'autre du côté météo sur cette planète? Il existerait des précipitations dans l'atmosphère constituées de roches vaporisées par la chaleur extrême. Tout comme dans le cycle de l'eau sur Terre, au cours duquel l'eau s'évapore, s'élève dans l'atmosphère, se condense puis retourne sur Terre sous forme de pluie. Sur cette planète, on parle de sodium, de monoxyde de silicium et de dioxyde de silicium qui subissent les mêmes transformations. Rappelons que sur Terre, la pluie s'écoule vers les océans, donc elle s'évapore de nouveau. C'est ainsi que le cycle d'eau se répète. Par contre, sur l'exoplanète dont on parle, ce sont des vents supersoniques qui emportent la vapeur de minéraux constituée de roches évaporées vers le côté obscur et glacial, où la roche retombe sous forme de pluie dans un océan de magma. Ça doit tellement être beau. Les courants qui en résultent retournent du côté chaud de l'exoplanète, où la roche s'évapore de nouveau. Bon, il y a comme un genre de cycle, comme sur la Terre, au lieu d'être le cycle de l'eau, c'est le cycle de la roche. Bon, pourquoi cette planète reste intéressante à l'étude? C'est que toutes les planètes rocheuses, y compris la Terre, sont tout d'abord des mondes où la matière est en fusion. Puis, elles se refroidissent et se solidifient rapidement. Donc, cette planète de lave, K2-141b, je vous le rappelle, nous donne une rare occasion d'observer cette étape de l'évolution d'une planète. Et finalement, en terminant, dans l'article, on peut lire aussi que pour ceux qui aimeraient visiter cette exoplanète, on dit que pour l'instant, les vols d'Air Transat vers l'extérieur du Canada sont toujours réduits au minimum. Donc, il faudra attendre la fin de la pandémie avant de vous envoler vers d'autres sujets. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. We'll be right back. And I don't wanna break this curse, 'cause I love the way it hurts me. And I don't wanna break this curse, 'cause I love the way I'm burning. And I still feel you in the light shade. Heat up the city inside smoke face. I wanna burn aime ce style de musique, vous pouvez écouter A State of Trance où Armin van Buuren vous joue pendant des heures ce style de musique, que j'aime bien à l'occasion. Cette semaine, je ne ferai pas de cachette avec vous, je prépare ce Lobster à la dernière minute. Je veux absolument le sortir ce dimanche, mais le beau temps a fait que j'ai passé plus mon temps dehors qu'en dedans. Et comme mes patrons, ceux en charge de l'émission, sont plutôt conciliants sur mon horaire de travail, je me ramasse dimanche PM à préparer tout ça. Mais heureusement, au cours de la semaine, j'avais tagué tes articles dont je voulais vous parler. Mais là, pas d'article. Non, un sujet d'enquête. Mon œil de loutre a détecté une situation anormale. Je vous explique. En kayak, je me promène un peu partout autour de l'île Perrot où j'habite. Et de mon kayak, sur les plans d'eau, je peux observer ce qui se passe. Et j'ai vu de quoi qui me semblait bizarre ou qui m'a amené à me questionner. D'un côté de l'île, il y a eu du développement, des grosses cabanes qui se sont construites. Sur la rue des Manoirs. Un nom prédestiné avec la grosseur des maisons construites. Tout à 3-4 étages, c'est immense et le terrain de 4 de ces grosses cabanes touche à l'eau. Et, Pour connaître un peu ça, je sais qu'il existe des règles pour tout ce qui touche les bandes riveraines. Dès que tu es proche du bord de l'eau, tu peux plus faire ce que tu veux, même si tu es chez toi. En gros, c'est des règlements pour protéger le bord de l'eau. De façon générale, la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, le PPRLPI, interdit les constructions, les ouvrages ou les travaux sur les rives et le littoral des lacs et des cours d'eau. Et là, surprise cette semaine en kayak, une des grosses cabanes a défriché jusqu'au bord de l'eau une belle place pour éventuellement se mettre un quai ou se faire un spot pour mettre un bateau à l'eau. Mais, même si leur maison vaut 3-4 millions, je me suis dit, il me semble qu'ils n'ont pas le droit de couper comme ça la verdure sur le bord de l'eau. Je suis donc allé vérifier ce qui était permis et interdit de faire. Il est interdit, entre autres, de construire ou d'effectuer des travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives. Il est interdit de remblayer, creuser ou prélever du gravier sur le bord de l'eau. Interdit aussi d'utiliser des pesticides dans les 3 premiers mètres de rive à partir de la ligne des autres eaux. Interdit d'aménager une rampe de mise à l'eau ou de recouvrir l'accès au lac ou cours d'eau avec des matériaux imperméabilisants tels que le béton et l'asphalte. Il est interdit d'aménager une plage ou d'ajouter du sable sur une plage existante. Et finalement, il est interdit de couper des arbres et des arbustes existants, notamment afin d'installer du gazon. Bon, c'est ce que je cherchais, je me suis dit, avoir les souches d'arbres coupées sur la rive, que c'était pas normal. Mais là, il y a des choses qui sont interdites, mais il y a des choses qui sont permises. Si tu demandes à la ville et obtiens un permis, tu peux avoir le droit d'aménager une ouverture d'une largeur maximale de 5 mètres, donnant accès au plan d'eau lorsque la rive présente une pente faible. Bon, c'est en plein mon cas. Donc, d'après ce que je lis, avec une autorisation de la ville, les gens ont le droit de s'aménager un spot de 5 mètres, ça c'est à peu près 16 pieds de large, pour avoir accès à l'eau. Il est aussi permis d'élaguer ou émonder les arbres nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de large dans l'écran de végétation lorsqu'à la rive présente une pente forte. Il est aussi permis d'aménager un escalier donnant accès au plan d'eau. Bon, je vous passe le reste. Donc, j'ai vérifié sur mes photos si le propriétaire a eu une autorisation. Il avait donc le droit de se faire un trou de 5 mètres pour avoir accès à l'eau. Et je pense que c'est pas mal ça qu'il a fait. En vérifiant, j'ai vu sur mes photos qu'il a coupé seulement 2 arbres sur le bord de l'eau et a laissé le reste tel quel. Voilà, un dossier réglé. Le gouvernement protège très bien les bandes riveraines, mais les municipalités ont le droit de donner des autorisations pour se faire une petite place pour avoir accès à l'eau, ce qui est quand même logique et raisonnable. Car oui, je trouve raisonnable le 5 mètres. C'est un accommodement qui permet aux gens de profiter de l'eau tout en protégeant quand même le reste des rives. Donc, dossier réglé. Great war has come. Show no fear. The ending is near. The final charge. dying breath. I can feel the thunder. see that you're lost without me. I can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the scars inside you. I can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the scars inside you. Vous êtes marteau! Je suis pas marteau, je suis ferme! Attendez, je vous reconnais. Vous êtes la boniche qui nettoie les pioles. J'étais! Il y a eu du changement. Du changement? De la promotion. Figurez-vous que je viens de passer intendante. Vous êtes plus boniche alors? Disons qu'il y a boniche et boniche. Vous avez la connasse de base, sans ambition, sans avenir. Et puis vous avez l'intendante. Je sais même pas ce que c'est, moi. Ce que je peux vous dire, c'est que d'après mes nouvelles consignes, par exemple, je suis responsable de la gestion des stocks de vivres. Les stocks de vivres ? C'est moi qui garde ta bouffe. Et je vous annonce tout net que les collations de 2h du matin, vous pouvez faire une croix dessus. Mais vous pouvez pas faire ça, il y a outrage ! Outrage à quoi ? Mais je suis chevalier, vous ne pouvez pas m'interdire de bouffer ! Mais je vous interdis pas de bouffer pendant les heures de repas ! Seulement vous êtes un poil en avance. Le petit déjeuner est servi dans 6h. Dans 6h ? Mais comment voulez-vous que je tienne 6h ? Avec quoi ? Dans 10 minutes, je tombe dans les pommes ! Ah, mais rien ne vous empêche de vous constituer un stock personnel dans votre chambre avec des produits que vous achetez vous-même. Oui, mais pour cette nuit, j'ai rien prévu. Pas un crouton de pain ne sortira du stock en dehors des heures de préparation de repas. Ça y est, je vois trouble. C'est le manque de gras, je me dessèche. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là-dedans ? Sire, enfin vous arrivez pour me sauver. Vous sauvez de quoi ? De l'hypolipémie. De là ? J'ai plus de gras dans le sang. Je vais me mettre à peler, à perdre mes cheveux. Mes hommages, sire. Bien. Vous êtes pas la boniche qui fait les pioles d'habitude ? Comme j'expliquais au seigneur Carados... C'est cette machine-là qui s'est mise en tête de bloquer la bectance ! Faites quelque chose ou je vais tout bousiller là-dedans ! C'est une précaution militaire. En cas de siège, il faut pouvoir tenir un mois complet. En cas de siège ? Ah, mais fermez-la deux secondes, non ! Mais il y en a pas de siège, pauvre con ! Oh, sire ! Non, mais ça va bien, non ? J'en ai rien à foutre ! Assassin ! Assassin ! Assassin ! Non, mais moi, je vous reproche pas de faire votre boulot. Simplement, la bouffe, c'est un sujet sensible, surtout pour certains. Sire, moi, j'applique ce qu'on me dit d'appliquer. Je vous répète plus les consignes. Non, mais ça va, vous allez pas me répéter jusqu'à demain. C'est bon, je le connais, le coup du siège. Oh, bah, si vous me dites que ça tient plus, hein. Non, c'est pas que ça... C'est pas que ça tient plus, évidemment. Il faut faire attention, on sait jamais. Ah, vous voyez bien ? Oui, mais c'est pas un bout de saucisson qui va faire la différence en cas de siège. Le seigneur Caradoc se prépare 4 collations par nuit. Le seigneur Caradoc, il t'emmerde. Chacune équivalente à un repas pour 3 personnes. À ce rythme-là, c'est pratiquement... Non mais je sais, c'est bon, simplement, Caradoc, c'est spécial. Ah, mais moi j'applique les consignes, Non, hein. Mais je sais, vous appliquez les consignes, c'est bon. Alors continuez les appliquer, simplement, pas pour le seigneur Caradoc. Ah bon. Voilà. Eh ouais. Tu vois où tu peux te les carrer, tes consignes ? C'est vous, seigneur Caradoc ? Non, c'est le seigneur Léo Dagan. Mais qu'est-ce que vous faites ? Comment ça, qu'est-ce que je fais ? Il voit bien que je boulotte un bout de saucisse. Ah ! Je vous dérange ? Allez-y, sire. Il paraît qu'aujourd'hui, vous étiez à deux doigts d'un indice capital sur l'emplacement du Graal. Ouais, c'est vrai. Et il paraît aussi que vous avez tout foiré et qu'on peut plus rien y faire. Ouais, ouais, c'est vrai. Vous voulez m'en parler un peu ? Moi, au bout d'un moment, je veux bien faire des tas de choses, mais il faut être un minimum précis. Le vieux m'a dit, tu feras 20 lieues vers le nord pour atteindre les plaines de la perdition. Pourtant, moi, ça me paraît clair. Non, mais parce que là, je vous le fais à ma sauce. Déjà, il m'a tout mis dans le désordre, ce vieux con. Exactement, il m'a dit, gna gna gna, les plaines de la perdition, 20 lieues vers le nord, tu feras. Vous n'allez pas me dire? Je suis désolé, mais ça change pas tellement le sens. Bah si, c'est ce que je vous dis. Ça m'a changé le sens. Mais ça change pas le sens de la phrase. Bah si, il a fait la phrase, mais c'était pas dans le bon sens. Bon, écoutez, moi la seule chose que je vois, c'est que vous êtes encore débrouillé pour passer à côté d'une belle occasion d'en savoir plus sur le Graal. Ah ouais, mais après, je l'ai perdu, lieu. Non, écoutez, taisez-vous. Vous êtes un naze. Alors allez vous coucher, je peux vous voir. Quoi? Quoi? Rien, j'ai rien dit. Je peux plus le supporter. Je suis désolé, c'est physique. Je préfère qu'il se barre parce qu'il va s'en prendre une. Non, mais après, vous gérez comme vous pouvez, c'est sûr. Hein. Peut-être pas patient, pas patient. Un renseignement capital pour le Graal. Si cet abruti savait trouver le Nord, ce soir, le Graal, je dormirais peut-être avec. Non, mais c'est sûr. Non, mais là, je crois qu'il a bien compris la leçon. Ça m'étonnerait qu'il dorme, d'ailleurs. Triste qu'il doit être de vous avoir encore déçu. Oui, bon, ça va. Où est-ce que vous voulez en venir? Perceval, c'est comme un gamin. Et qu'est-ce que c'est la plus grande peur des gamins? Je sais pas. Le gros des collines, la soupe de poisson. Être abandonné. Et pour pas être abandonné, ils sont obligés de correspondre à ce que leurs parents leur disent qu'ils sont. J'ai rien compris. Perceval, vous n'arrêtez pas de lui dire que c'est un nul. Eh bien, s'il veut que vous continuiez à le reconnaître, il est obligé d'en être un. Quelque part, ça le rassure. Ça le rassure d'être un nul? Tant que vous lui dites qu'il en est un, oui. Mais elle est pas mal, celle-là. Attention, moi, je vous cause subconscient. Hein. Prenez-le pour pied de la lettre. Non, mais je rêve. Je me farcis le pire con du monde brito-romain, mais c'est bon, c'est ma faute. J'avais qu'à pas lui dire. On peut pas parler. Je l'ai toujours dit, il faut arrêter ces conneries de nord et de sud. Une fois pour toutes, le nord, selon comment on est tourné, ça change tout. De toute façon, le vieux, si je lui retombe dessus, il mange un marron. Ça, c'est obligé. Non, mais c'est bien déjà, parce que vous aviez trouvé une piste. Qu'est-ce que vous dites, sire? Bon, vous avez pas pu donner suite, mais vous aviez une piste. Mais sire, j'ai quand même tout foiré. Non, parce que vous êtes tombé sur une personne peu précise, qui utilise des termes fluctuants, comme par exemple les points cardinaux. Quels cardinaux? Eh bien, le nord, le sud. Ah, mais ça vient de là, le nom. C'est des cardinaux. Bon, bref. Vous êtes un grand chevalier. Et vous êtes un gros nul, d'accord? Un vrai gros naze. Ça va mieux? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu tout blanc, après tout noir, et après deux fois tout blanc. Respirez, respirez, voilà, respirez. Bon, déjà ma dernière intervention dans ce Lobster 84.0 et une intervention de taille. Qui c'est qui vient de battre un record? Je sais pas si vous avez vu ça dans les nouvelles. Jardinier amateur Damien Allard a sorti de terre un navet de 64 livres lundi avant midi à Saint-Omer. Si l'homologation n'est pas encore officielle, tout porte à croire que le Gaspésien est maintenant détenteur du record Guinness du plus gros navet jamais récolté. Son navet avait une circonférence de 138 cm, une hauteur de 35 cm et une largeur de 46 cm. Si vous pouvez voir sa photo sur Internet, vous allez voir, son navet est immense. Et qu'en dit Damien de ce record? Je suis très, très heureux. Ça fait quand même 2 ans que je travaille assez intensément sur mes navets. Je me doutais très fortement que cette année, c'était la bonne. Mais je n'aurais jamais pensé que j'aurais été plus de 10 kilos au-dessus de l'ancien record. On est 8 milliards sur la Terre et je suis le seul qui a réussi à faire un gros navet comme ça. C'est quand même un peu exceptionnel. Moi, j'imagine déjà la blague à faire à Ricardo. Car sur le site de Ricardo, il y a une recette de potage aux navets. Dans la recette de Ricardo, il dit de mettre 3 navets. Mais tu lui écris et tu lui dis « Écoute Ricardo, j'ai mis juste 1 navet dans la recette, alors que tu dis d'en mettre 3 et me semble que ça goûte pas mal trop le navet. En plus, je viens de finir d'encanner mes 258 bocaux maçons pour une seule recette et me semble que c'est trop. J'ai du potage de navet pour au moins jusqu'en 2030. » Bon, c'est ma blague à faire à Ricardo. Sinon, j'écoutais une émission de science après-midi à ce sujet à la radio de Radio-Canada. C'était l'émission Les années-lumière. Et il parlait justement de ce record, mais il parlait de ce sujet sous un autre angle. Il disait que tous les records de gros légumes sont en train de se faire battre. Les records de taille de gros légumes d'il y a 20 ans sont tous en train de se faire battre, et de beaucoup. Au point que les records d'il y a 20 ans ont l'air de légumes nains à côté des monstres de maintenant. Et c'est quoi le secret? Eh bien, il faut bichonner le légume. Et maintenant,

Ça me fait rien, vous pouvez rire. Mais je suis faite à l'image de Dieu, voyez-vous? Vous riez de moi, vous riez de lui. Moi, je suis pas méchant, mais lui peut venir comme un voleur, par exemple. Tu sais, c'est toi qui riais de moi tout à l'heure, hein? T'allais passer un mauvais quart d'heure d'éternité. Et c'est très long, un quart d'heure d'éternité. Naturellement, on ne voudra pas vous faire croire que Dieu et moi sommes absolument identiques. On a des petites différences. Tous les deux, on est infiniment bons, infiniment aimables, mais lui, le péché lui déplaît. Non, on a d'autres différences aussi. Lui, il est infini, puis moi, je suis presque fini. Bon. C'est certain qu'on n'est pas pareil, pareil, mais une chose qui est encore plus certaine, c'est que les femmes ne peuvent pas ressembler à Dieu. Mais nous autres, les hommes, même si on n'est pas exact... Non, vous ne pouvez pas! Vous ressemblez à Dieu, flyez-le en bas ici, cette manette, là. Jette-moi-en une en bas, là, juste pour voir. Fatigant. En tout cas, nous autres, les hommes, peut-être qu'on n'est pas absolument semblables à Dieu, mais je suis sûr qu'au moins, nous autres, les hommes, on a toute une petite affaire pareille. Oui, parce que nous autres aussi, on donne la vie. Faut bien la donner quelque chose. Naturellement, lui, tout ce qu'il a fait avec, elle doit être infiniment grande, mais ça, c'est une autre affaire, là. On parle pas de grandeur, là. Ensuite, Dieu a créé la femme. Quand j'ai lu dans l'Histoire sainte que c'est Dieu lui-même qui a créé la femme, j'ai douté de Dieu. Je lui ai dit, est-ce que Dieu est vraiment parfait? Après, je lui ai dit, oui, il est parfait. Donc, il a fait exprès pour nous éprouver. Pour nous faire gagner notre ciel ou nous précipiter en enfer, vu qu'on sert les mêmes créatures, mais pas aux mêmes places. En tout cas, ça, ça a été Adam et Ève, nos premiers parents, qui ont eu deux enfants prénommés de façon bizarre. Il y a des gens encore qui se demandent comment ça se fait que les deux enfants d'Adam et Ève s'appelaient comme ça. Moi, j'ai compris comment ça se fait. Mais moi, je comprends tout, c'est pas pareil. Non, j'ai très bien compris ça, je vais vous l'expliquer, vous allez le comprendre vous-même. C'est que quand Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre, voyez-vous, ils ont marché là, des pages puis des pages. Ben, ils cherchaient un logement, tu sais. Mais plus qu'ils marchaient, plus que Ève enflait. Ben, eux autres, ils comprenaient pas ce qui arrivait. Adam, il dit, pour moi, les pommes te font pas. Elle dit, pourtant, j'ai pas de colique, rien, vous savez, tu sais. À un moment donné, elle dit, arrête, il y a quatre choses, il y a quatre choses, il y a quatre choses, flac! Là, c'est le petit qui est arrivé. Mais Adam, il avait jamais vu ça, un bébé. Fait qu'il l'a regardé, il dit, ben, qu'un. Et le nom, il est resté. Trois ans après, quand l'autre est arrivé, Adam t'a parti travailler, puis Cain t'a tout seul avec sa mère. Quand il a eu Harvey, son petit frère, il l'a trouvé beau, mais il parlait pas franc, il dit Abdel. Alors, elle sait qu'elle est facile, mon travail avec le public qu'on a, hein? Abdel, ça, c'était la plus belle de toutes. Hein? C'est la première belle. Oh mon Dieu, que t'es fine, elle. Oh, elle prenait deux, trois petites branches, mettait le feu là-dedans. Wouh! Ça montait au ciel direct. Le bon Dieu l'aimait. Ben, c'est normal parce qu'il est de même, le bon Dieu, lui-ci. Ben, le bon Dieu, il est top. Faut bien qu'il soit ça avec. Mon pauvre Caïn, lui, il allumait des forêts entières, la boucane monte à pointe, lui qui s'est tout fait dedans. Ben, quand il s'est découragé, il a tué son frère. Marquez-moi, je l'aurais pas tué, mais je l'aurais magané. Un lèche Dieu, j'ai jamais aimé ça. Fait que là, le bon Dieu est arrivé, il dit, « Caïn, où que t'es? » Caïn dit, « Le bon Dieu, es-tu indien? » Ou japonais? Il dit, « Où que t'es, tchikun? » Il l'appelait Tikkun dans l'intimité, tu sais, il dit, « Où que t'es, Tikkun? Tout le monde va savoir que t'es un assassin! » Là, Tikkun a cherché du monde, n'a pas trouvé. Sur sa ligne à lui, il était seul avec son père et sa mère. Mais sa ligne d'après, il était déjà des milliers et des milliers. Là, je peux pas vous dire ce qui s'est passé entre les deux lignes. Est-ce que Cain et Adam se remplaçaient continuellement? Est-ce que Ève avait ça au 9 jours au lieu de 9 mois? Elle sait pas. Dans quelques lignes, ils sont devenus une grosse gang. Mais entre vous et moi, il aurait été mieux de ne pas être une grosse gang parce que c'est une grosse gang d'épais! Tellement sens que quand tu tournes la page, le bon Dieu, il aïe déjà, il est dans le haut de la page, tu sens qu'il passeront pas en page, il est là, il regarde, il dit, oh, hey. Dans le milieu de la page, il en peut plus, il dit, je t'ai carré, m'a toutes les tuées! Non, il en revenait pas, ben, venez-vous à sa place, tabarnon, j'ai mis la juste de partir son affaire, il y a une maudite gang de packs, il marchait pas partout comme qu'il voulait. Pensez qu'en affaire, ce monde-là fait choquer le bon Dieu, wait down! Ça se réunissait des petites gangs le soir, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va faire choquer le bon Dieu, hein? C'est intéressant, ça? Le bon Dieu, il dit, moi, il m'envoie dans le ciel, qui s'arrange, ce gang-là, tabarnouche. Ben après ça, il dit, c'est vrai que j'ai une petite responsabilité là-dedans, c'est quand même moi qui les ai faites. Bon, ben, il dit, c'est correct, mais on a trouvé un gars sur la terre pour s'occuper d'eux autres. Moi, il m'a occupé de mon ciel. C'est là qu'il a appelé Abraham. Ben oui, parce que le bon Dieu, t'as pas fou, il dit, si je veux que ça marche, même chercher un juif, faire marcher ça, moi. Ah oui, il a appelé Abraham, il dit, Abraham, qu'est-ce que tu fais avec ton magasin fermé? Abraham, il dit, I don't understand what you say. Bon Dieu, il dit, Abraham, veux-tu faire de l'argent? Abraham, il dit, vous m'avez appelé, Seigneur? Bon Dieu, il dit, oui. Et il dit, tu vas m'ouvrir 12 succursales. C'est toi qui vas tout s'occuper de mon affaire sur terre. Abraham, il dit, que ça, il me donne en retour. Bon Dieu, tu m'as donné la santé, la vieillesse et la richesse. Abraham, il dit, j'ai 950 ans, jamais été malade. Mettez-moi tout ça en argent, je le prends. Bon Dieu dit, OK, je vais te mettre riche, toi, puis tous tes descendants. Abraham dit, demandez-moi n'importe quoi. Fait que le bon Dieu dit, m'a le checké pour voir s'il est prêt à faire n'importe quoi. Il dit, Abraham, il y a ça, madame. Il y a ça. C'est à toi, ce gars-là, dans le cours? Abraham dit, ben oui. Un beau petit gars, ça que t'as là, toi? Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire avec? Abraham dit, je pense qu'on va faire un docteur avec. Bon Dieu dit, je pense pas, moi. Et il dit, m'a te demandé quelque chose. Abraham me dit, oui, quoi? Il dit, j'ai pensé à une affaire, ça pourrait être drôle. Il dit, tu vas prendre ton petit gars, tu vas l'attacher dans les petits paquets, tu vas l'amener dans le petit bois en arrière, puis tu vas lui rouvrir la gorge. Abraham me dit, combien? Bon Dieu, dis-le, ton couteau, c'est une farce. C'est juste pour voir si t'étais pour faire que je te demande. Ah, Abraham, il dit, voyez bien, moi, pour de l'argent. Bon Dieu, tu es correct. À partir d'aujourd'hui, toi et tes descendants, vous devenez mon peuple choisi. Vous allez être riches, toute la gang. Ça, c'est un bout d'histoire sainte que j'aime pas tellement. Non, mais pourquoi est-ce qu'il nous a pas choisi, nous autres? Pourquoi c'est les Juifs qui sont le peuple choisi? Remarquez que quand je vois ce qui leur arrive depuis 200-300 ans, j'aime autant qu'ils aient choisi eux autres. On est moins riches, mais il y a moins d'Arabes qui courent après nous autres. On est plus tranquille. Remarquez que j'aime pas ce bout-là d'histoire sainte, mais c'est pas le bout que j'aime le moins. Le bout que j'aime le moins, non, je peux pas dire ça. Le bout que j'haïs le plus, c'est la fin. Le jugement dernier. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit à moi-même, comment ça se fait ça? On est obligé de vivre, de vieillir, de souffrir, de mourir, de pourrir. En plus de ça, on arrive l'autre bord, on reste de brûler pour l'éternité. On est bien organisé. Je dis pourtant, comment? Il me semble que quand j'ai commencé à lire l'histoire sainte, Dieu a créé l'homme immortel. Fait que je m'en vais checker ça. C'est vrai? Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qui peut être responsable d'une atrocité pareille? Quel être infâme peut être responsable de ça? Je l'ai trouvé sa page 2. C'est Ève, la grand-mère de toutes les épices. Pas les gamins de se retenir. Tu es en arrivant. Envoyez la pomme. Vite, la pomme. Vite, vite, vite. Envoyez la pomme par ici. Maudite tête de linotte. Il y a encore des femmes qui se demandent pourquoi on ne veut pas leur laisser faire tout ce qu'ils veulent faire, mais avec ce que le grand-mère nous a fait, on l'a encore sur le cœur. Pas pour rien que les femmes n'ont jamais eu le droit d'avoir des bonnes jobs dans l'église. Ben, tu peux être sœur, laver des malades, des hôpitaux, des vicaires, des presbytères. Ben, j'ai jamais vu de femme prête, par exemple. Consacrer des mains de femmes. Yuck! Des mains de démons. Ça a traîné partout, ça sent le diable. Là, on a remarqué que Ève n'est pas seule d'être responsable. Adam, il était responsable un petit peu parce qu'il s'ennuyait. Ça, je comprendrai jamais ça. Le bon Dieu, il donne tout, c'était pas là. Les animaux, la forêt, oh, il s'ennuyait. Quel gars laissera pas sa femme pour vivre dans la forêt avec les animaux, hein? Moi, j'aurais aimé ça être Adam avec les animaux. Mais j'aurais aimé mieux être Tarzan. Et tout aurait été fait pour Cheetah. Non, mais pour moi, Adam, il s'ennuyait de sa mère. Tu veux dire, qu'est-ce qu'il y avait là? Pourtant, ça avait bien commencé, hein, parce qu'Adam, il s'est pas garoché, c'est pas marqué, hein. Parce que quand le bon Dieu a fait Adam, ça s'est très bien passé, ça s'est fait vite. Il est arrivé, je claque à ta flingue, boum! Là, il a soufflé dedans. Là, Adam, il dit encore! Ouh! Ah, le souffle de vie, il a s'aimé ça. Ah, bon Dieu, attends une coupe de page, oh, voyons. Là, le bon Dieu a présenté les animaux. Il dit, Adam, rencontrons Léo le lion, Babar l'éléphant, les arbres, les fleurs, en tout cas. Il a tout présenté ça. Puis là, il l'a laissé tranquille. Puis c'est là qu'Adam s'est mis à s'ennuyer. Fait que le bon Dieu dit, moi, il fait un compagnon. Chlec à ta flingue, boum. Mais là, il regardait ça. Il vient pour souffler dedans. Il dit, attends, non, maintenant. C'est quelque chose qui ne marche pas. Il me semble qu'il faudra faire mieux que ça. Esthétiquement parlant. Non, c'est vrai, c'est cette petite affaire-là qui dépasse, là. Pas bien beau, ça. Moi, il arrachait ça. Scratch! Bon, tu sais, plus de petite affaire, les boules, n'a plus besoin non plus. Scrunch! Là, il t'a pogné avec les boules, ça n'avait plus quoi faire. Tu sais, peut-être que je pourrais y mettre ici. Non. Là, il l'a regardé comme fou, tu sais, ça, c'était Ève. Mais t'es un peu carré parce qu'il l'avait faite anglaise. Il a décidé de l'arrondir un peu, tu sais. Fait que pour y en donner à l'extérieur, il a fallu qu'il aille en chercher à l'intérieur. Là, il a fait un petit trou par ici, un petit trou par là. En tout cas, entre vous et moi, il a fait un trou de trop. Dans la tête! Cette tête de linotte là arrive, allouette! Adam, il dit que c'est ça. Bon Dieu, il dit c'est ta compagne. Adam, il dit ça n'a pas d'allure. Bon Dieu, il dit ça n'a pas d'allure, mais c'est bien bon pour la vaisselle. Fait que là, Adam... Là, Adam, il a présenté quelques animaux, naturellement des animaux à sa portée. Donald le canard, Skippy le kangourou. Hey, quand t'as vu Skippy le kangourou, elle se met, il sautait dans la poche, rentre, puis il sort, puis... Là, le bon Dieu est obligé de revenir, il dit, « Ève, couchez! » Déjà, moi, je t'ai créé pour être couché. Fait que là, Adam a continué à y présenter d'autres animaux. Il a présenté la petite grenouille avec la grande bouche, dont il se servait avant. Là, la petite grenouille est venue jalouse, elle a fait « Je sais que les grenouilles sont de même soeur. » Fait que là, finalement, le bon Dieu est arrivé, il dit « Venez, je vais vous faire rencontrer quelqu'un. » Fait que là, ils sont arrivés au pommier. Hein, pour vous montrer comment est-ce que Ève était épaisse. Il arrive au pommier, le bon Dieu dit « Adam et Ève, rencontrez donc le pommier. » Bon, le pommier s'est fait un peu. Bon. Ève a dit « C'est le pommier quoi? » Bon Dieu dit « Pardon? » Elle dit « Ben oui, lui c'est le pommier homme, moi je suis la pommier femme, lui c'est le pommier quoi? » Hey, le bon Dieu tombe à terre. Adam, il dit « C'est le pommier, pèse! » Le pogné par une affaire, le soigner l'autre bord. Bon Dieu dit « Tiens pas trop fort là-dessus, c'est pas une poignée, je t'expliquerai le mode d'emploi plus tard. Bon. » Fait que là, le bon Dieu dit « Les enfants, je vais maintenant vous adresser quelques mots. » Elle va regarder Adam. J'espère qu'il parlera pas trop longtemps. Adam dit « Pardon? » Elle dit « Chut! » Bon Dieu dit « Les enfants, regardez le ciel. Regardez les étoiles. Regardez la lune, le soleil. Regardez les âmes, regardez les animaux, les roches et les ruisseaux, la terre et les eaux. Regardez, j'ai tout fait ça pour vous. Ne suis-je pas infiniment bon? » Elle va dire, vous n'êtes infiniment pas payé, franchement, travaillez bien. Il dit, les enfants, regardez. Le paradis terrestre. Je vais créer ça pour vous, je vous le donne. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec tout. Mais touchez pas à mes pommes! Adèle, dis pourquoi? Mon Dieu, dis parce que... Eh ben, tu parles d'une réponse. Mon Dieu, dis parce que le pommier, c'est l'arbre du bien et du mal, il va pas toucher à ça. Parce que si vous mangez des pommes, vous allez comprendre des affaires, jamais vous comprenez pas, parce que pour comprendre ça, c'est mieux que tu sois parfait comme moi. Si vous autres, vous voulez rester parfait, vous êtes mieux de rester des parfaits épars. Bon. Adèle, tu comprends pas ce que je voulais dire. Mon Dieu, c'est bien simple, tu manges des pommes, tu vas comprendre des affaires, mais tu comprends pas assez, tu vas juste comprendre assez pour comprendre que dans le fond, tu comprends rien. Comprends-tu? Adèle, dis non, je comprends pas. Mon Dieu dit, comme tu vois, t'as même pas besoin de manger de pommes. Ah non, c'est parfait, on n'en mangera pas. Elle dit, Ève a dit, non, non, on n'en mangera pas. Menteuse. Fait que là, le bon Dieu est parti. Ben, en fait, le bon Dieu est parti. C'est ça qui est écrit dans l'histoire sainte. Et Dieu est parti. Alors, remarquez que depuis que j'ai lu ça, je me suis toujours demandé où que tu pouvais partir quand que t'es partout. J'ai pas encore trouvé. Ça fait que le lendemain soir, c'est là que ça a commencé à se gâter. Il était à peu près 6h15, 6h20. Adam et Ève venaient juste de finir de souper. C'est à ce moment-là que le serpent s'est incinéré dans le pommier. Et comme c'était un serpent à sornette, il s'est mis à sorner. Et Ève, qui était épaisse, a dit, « Serais-tu le téléphone qui sorne? » Adam, ils n'en ont même pas plugué, non. Ben, est-ce que ça peut bien être? Comme il était au deuxième, il dit, « Ça doit être au pommier. » Fait que là, il est descendu. Mais comme le serpent est à plus vite qu'elle, il ouvre le pommier. Il dit, « Bonjour, madame. » Tu fais beau aujourd'hui. J'ai des beaux légumes, des beaux fruits, mais le spécial de la journée, c'est cette belle grosse pomme toute shiny. Elle dit, « On ne mange pas de ça. » Il dit, « Pourquoi? » Elle dit, « Parce que le bon Dieu veut pas. » Il dit, « Il est pas là. » Elle dit, « C'est pourtant vrai. » Elle savait pas que le bon Dieu était partout. Fait qu'en fait, le bon Dieu se trouvait dans le pommier, dans la pomme. Il était même dans le serpent. Elle dit, est-ce que c'est vraiment bon? Le serpent du madame. Approchez-vous. Elle s'approche, il se met, il chante à la pomme. Il dit, mangez-le de ça, madame, vous le regretterez jamais. Surtout, donnez-en à votre mari, ça a des propriétés extraordinaires. Moi-même, j'en mange, regardez ça si je me tiens raide. Elle dit, c'est intéressant. Elle dit, je sais pas si je devrais. Il dit, essayez-en une. Vous en mourrez pas. Elle dit, OK. Elle t'accroche la pomme, elle croque dans la pomme comme on croque dans une belle grosse vie. Si tu t'es refait là, mon Adam Rick, il dit, tu fais le toi, lâche-toi. C'est le bon Dieu arrivant. Lâche-toi. Hey, il a dit, Pitou, goûte à ça, mon trésor. Viens ici, trésor. Goûte à ça, trésor. Je dis, tu parles bien drôle, toi. C'est les pommes qui font ça? Elle dit, oui, Pitou, viens ici. Goûte à ça, tu vas essayer. Mais ça, il dit, non, le bon Dieu veut pas. Elle dit, Adam. Ah oui, donc. Ah, ben, tu me prends par les sentiments. Enfin, il croque dans la pomme. Il dit, sais-tu qu'il est pas pire, puis toi avec, il sait pas ce qu'il l'a pogné, il saute dessus. Il se met à l'embrasser, mais il savait pas comment. Il est là, lap. Il dit, Adam, a dit Ève. Il dit, Adam, il dit Ève. Il dit, Adam, manin. Adam, il dit, Ève, j'ai une idée. Elle dit quoi? Il dit, on va se fermer les yeux. Elle dit, OK. Puis elle dit, après, ben, il dit, c'est bien simple, après, on va faire un jeu. Elle dit quoi? Il dit, on va se fermer les yeux, on va mettre certaines de mes affaires dans certaines de tes affaires, puis toi, tu vas essayer de deviner quoi, moi, on va essayer de deviner où. Elle dit, Adam, t'es too much. Il dit, pardon? Elle dit, t'es trop. Elle dit, quoi, t'es plus que t'étais tout à l'heure. Fait qu'il se ferme les yeux, il se met, il met des affaires. Là où ce qu'elle rit le plus, c'est quand il a mis son pouce droit dans la narine gauche. Oh là là. Et à un moment donné, il met quelque chose dans quelque chose. Elle dit, ah! Bouge plus, toi là. Ha ha ha ha. Mmh. Je sais pas que c'est ça, mais je haïs pas ça. Elle dit, j'arrive pas à deviner. Sors tranquillement. Et re-rentre tranquillement. Il sort tranquillement. Il re-rentre tranquillement. Dieu. À gauche! Crampe en masse, t'es beau! Elle dit, ça sert à rien, je n'arrive pas à deviner encore. Sors, puis rentre plus vite. Fait que sors, puis rentre, sors, puis rentre. Elle dit, j'arrive pas à deviner quoi. Il dit, laisse faire quoi, Star? Tu me diras quand? Sors, puis rentre, Ils se sont tellement fait aller que le bon Dieu est venu. Excusez. J'ai mal phrasé ça, là. Attends, madame. Ils se sont tellement fait aller que le bon Dieu est arrivé. Ah oui, elle n'aurait pas voulu qu'il vienne avec l'infiniment grande. Il dit, Adam, viens immédiatement. À peu près 10 minutes après, mon Adam arrive. Mon Dieu, dit, pourquoi t'es pas venu tout de suite quand je l'ai dit? Adam dit, j'ai bien essayé, mais j'en ai juste. Ah, puis à part de ça, mais pas une culotte baissée, c'est gênant. Hein? Mon Dieu, tu comment ça? Tu sais que t'as pas de culotte, toi? Ça veut dire que t'as mangé de la pomme, ça? Adam, il dit, fou d'une poche. Mon Dieu, tu m'as de punir pour ça. Adam, il dit, hey, hey, c'est pas de ma faute à moi. Mon Dieu, tu comment ça, c'est pas de ta faute à toi? Adam, il dit, ben non, moi, je voulais pas. C'est elle. Mon Dieu, tu comment ça, c'est elle? Mon Dieu dit, même si c'est elle qui a commencé, t'avais pas à manger, je vais vous punir toi et deux, puis c'est top. Je vais vous chasser du paradis terrestre. En fait, pour moi, ils ont pas chassé du paradis terrestre. Pour moi, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dû leur laisser le terrestre, puis lui, il est parti avec son paradis. Ça doit être plutôt ça, parce qu'on les a jamais revus depuis, ni lui, ni le paradis. Adam, il me semble que vous êtes mauvais un peu. On n'a presque rien fait. Le bon Dieu dit, ça, c'est rien. C'est que le début de la punition. Voici la suite. Voici ma décision infiniment finale. Tu travailleras toute la journée, le soir tu rentreras